te fais très mal, nous te vivons très bien. Depuis, nous fin mariés, vous voulez changer cher. Yo te toujours dit femme et gâte. C'est pour lié à moi, vivre ça. Cependant, moi pas penser au ta même transaction. Moi résiens subitement. Ma chère s'ouvre la joindre parent. Ma bien content. Où m'est allé chérie, ma résiens. Où m'est allé chérie, ma consolé. Où m'est allé chérie. Ou après moi passer au drive. Son seul bagage m'a passé, c'est divorcé. C'est divorcé.